10-13, observation. Deux sortes de temps. Temps météorologique et temps chronologique. Temps météorologique, le temps qu'il fait. Quel temps? Il fait beau? Non, il fait mauvais, il pleut. Quel temps fait-il? Il ne fait pas beau temps, il fait mauvais temps. Et maintenant le temps chronologique, le temps qui passe? Nous n'avons pas le temps, nous sommes pressés. Quand on n'a rien à faire, le temps passe lentement. Il joue au portrait pour passer le temps. Quand on joue, le temps passe vite.